Alors, effectivement, si vous voulez, pour répondre à une de vos remarques de tout à l'heure, quand je suis revenu de la guerre d'Algérie, en tant que soldat du contingent, j'étais donc démobilisé, j'avais vécu dans un certain nombre de choses vraiment affreuses, et j'avais noté le maximum de choses pendant mon séjour. Et je suis revenu, et à mon retour, je pensais un peu à ce que vous me disiez tout de suite là sur les Amérindiens et leur notion de liberté et d'égalité. À mon retour, j'avais des choses à dire et c'était d'une part l'indifférence, la surprise. Le pire, c'était ce que tu dis, c'est pas vrai, tu es manipulé par le parti communiste. Bon. Et puis, j'ai quand même réussi à tomber, rencontrer des gens qui m'écoutaient, hein, l'écoute, devenir la mort, hein, on écoute. À l'époque, on disait, bon, il y a des gens de confiance qui pensent ce que je dis est vrai. Et donc, j'ai, par tous ces truchements, j'ai réussi donc à trouver un éditeur, l'éditeur français Réunis, et j'ai publié Le Gâchis. Alors, mais Le Gâchis, effectivement, c'est simplement, enfin, simplement, oui, c'est un témoignage. Hein, d'ailleurs, ça va être écrit récit, je crois. Malgré tout, je pense que c'est écrit récit, mais je ne me souviens plus. Voilà, donc c'est un témoignage. Non, c'est même pas écrit récit, il me semblait que c'était. Voilà. Bon, alors, il a été, il faut quand même que vous sachiez qu'effectivement, il a été diffusé sous le manteau dans des réunions plus ou moins interdites à l'époque. Mais il a été énormément diffusé, parce qu'il y a à peu près 4000 exemplaires quand même qui se sont écoulés pour l'époque, c'était bien. Alors, on avait volontairement, avec mon éditeur, à partir de mes carnets, on avait volontairement choisi d'en faire un récit romancé. Tout ce qu'il y a là-dedans est vrai, sauf les noms. Parce que ça ne nous intéressait pas. De faire uniquement un témoignage quand on savait que ça serait saisi tout de suite. Donc on voulait, et moi j'insistais beaucoup là-dessus, que ça soit lu. Car ça sert, à l'époque, dans l'ambiance, c'était en 1960, hein, c'était 2 ans avant les accords d'Évian, donc à l'époque c'était important. Voilà. Mais et il s'est diffusé comme cela, mais quand il s'est bien vendu, il a voulu être réédité là. Ils ont été saisis, donc mon éditeur m'a fait savoir qu'il pouvait pas faire une nouvelle édition. Alors, ça, c'est un témoignage, effectivement, que je reprends en partie dans ma thèse, à partir de mes carnets. Mais ce que j'ai, après 50 ans, c'est la question qu'on me pose, hein, dans les différents entretiens, je peux avoir. Pourquoi maintenant, quoi? Parce que, bon, en 2002, j'ai dû commencer à travailler à ma thèse, ça fait 1 an et demi qu'elle est soutenue, 4 ans, oui, c'est ça, hein. J'ai dû commencer, voici 4-5 ans, hein. commencer à faire mes recueils de données, comme on dit. Pourquoi? Je crois qu'il faut, quand on a déjà témoigné, qu'on a libéré un certain nombre de choses en soi, et qu'on arrive à un certain âge et qu'on est disponible du temps chronologique, mais du temps, mais aussi disponible à bien vouloir se remettre à l'ouvrage d'un tel travail qui vous prend. Mais il faut que je vous dise justement, je suis plus pris maintenant, personnellement, avec mon livre et les différentes réactions, que je l'ai été dans mon travail de recherche. Très vite, j'ai été non plus le témoin dans ma tête, mais le chercheur. Et ça m'a libéré beaucoup. Et j'ai écrit après, sans vraiment trop de problèmes. Bon, quand je tournais les pages de mes carnets, que je n'avais pas rouvert depuis le temps où j'avais fait le gâchis, hein, je les avais mis, ils étaient là, bien cachés dans un, enfin, je les stockais dans un endroit. À l'époque, je les avais cachés. Pendant toute la guerre d'Algérie, je les ai laissés chez un copain. Parce que chez moi, il y avait la police qui venait. On était à l'époque les militants qui luttaient pour. Et puis en plus, j'avais écrit un bouquin sous un faux nom, mais la police savait bien qui j'étais. Il y avait la police qui visitait chez mes parents. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça. C'est ancien que. En tant qu'ancien combattant et votre travail, que je vous livre parce que c'est important. Je crois que c'est important de dire, pour moi c'est important de le dire, que c'est parce que j'ai fait un travail de recherche que j'ai pu aussi, pendant mon écriture, me libérer de tout ce qu'il y avait peut-être de fort, d'émotionnel en moi par rapport aux souvenirs de cette expérience. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais à Gachi, j'étais en plein dans l'action. Mais ça a été pour moi très fort. Alors après, effectivement, il fallait réécrire le livre, réécrire ma thèse, l'adapter en livre. Ça a été comme l'éditeur m'a aidé. Physiquement, il m'a aidé. Il fallait retravailler tel passage, etc. Mais j'ai gardé quand même l'essentiel dans ce livre de ce que j'ai fait comme analyse dans ma thèse.